Je suis contre le fait de se cacher le visage, là. Ouais. Totalement, totalement. Ça, ça me fait peur, je vous le dis bien honnêtement. Ça me fait toujours penser au Ku Klux Klan, là, vous savez? Ouais. Passez un été sûrement extraordinaire après une saison de radio exceptionnelle. Voici le seul animateur de la relève de toute la radio publique canadienne. Accueillons Jean-Philippe Baudier! Oh boy! Hey! Ouais. C'est la première. Je trouve ça exagéré. Ouais. Hey, ben bonsoir, toi. Il y a plein de monde ici ce soir. Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, hein, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre d'un gros 2 mois de vacances aux frais des contribuables. Mesdames et messieurs, merci. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Hey, mais on a-tu assez une belle été? Ah, hein? Mon Dieu. Et c'est, la belle c'est, été. C'est... C'était fénérique. Fénérique. Ouais. Ah, non, mais moi j'ai décroché, moi. Mon ah non, mais moi j'ai jamais décroché comme ça, je tombais par terre. Ben voyons. Ah oui, je marchais, puis pouf. Ouais. Pourtant, ça a été une belle été pleine d'actualité. Ah, hein? Mais c'est clair, c'est, oh oui. C'est rare, c'est un flou, là. Oh oui, tout à fait. Ben, enfin, c'est le genre d'été où tu regrettes de ne pas avoir été en nombre. Ah oui, non, mais en tout cas, plusieurs auditeurs nous regrettaient parce que moi, au marché Jean Talon, on n'a pas arrêté de l'été de me dire quand est-ce qu'ils vont venir, quand est-ce qu'ils vont venir, c'est quoi cette affaire-là qui joue? Ouais, non, c'est sûr que l'émission qui nous remplaçait. Non, je ne sais pas si vous avez écouté les Charlots font de la radio. Non, mais avez-vous écouté? Oui. Mais boy. 3 personnes. Quand même. Non, mais c'est plus que je pensais, moi. Non. Mais en même temps, ça faisait assez secondaire 4. Ah, mais c'est correct. Non, mais c'est correct. Je dirais même secondaire 3 faible. Oui, pas de maths. Il n'y avait pas de maths, là, c'est clair. Ouais. Mais Fred, je veux parler d'actualité, puis je veux qu'on parle d'actualité, parce qu'il s'en est passé des affaires pendant l'été, je le redis. Plusieurs tragédies. Oui, des tragédies. Oui. Des tragédies, évidemment. Quand on parle tragédie, tout le monde pense à Mélanie Joly à la mairie de Montréal. Et ça, non, mais ça, c'est pas beau. Ça dépend de l'angle, là. C'est pas si pire, là. Non, je parle de son programme politique. Elle a un programme. Et là, ben oui, ben enfin. En gros, je pense qu'elle promet de la tarte aux pommes, hein, aux Montréalais, parce que ben, c'est bon de la tarte aux pommes, c'est ça? J'ai comme l'impression qu'on n'aura pas beaucoup de pommes avec elle. Non, il y a le début d'une tarte, par exemple. À mon avis, ça s'en vient. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le début d'une tarte aux pommes. Oui, ce que je veux dire, c'est ça. Non, mais quand même, son résumé. La pâte est là. Regarde, on n'a rien qu'à trouver. Non, mais c'est ce mais là, son résumé l'été, c'est toujours ben pas juste Mélanie Joly, j'espère. Il y a eu d'autres choses. C'est parce qu'on a décroché. Je sais pas vous, là. Avez-vous décroché? Ah, pas tant que ça, eux autres. Ils ont écouté les bronzés. Ouais. Hein, ça... Non, mais moi, j'ai tellement décroché. Quand j'ai fini d'installer mon hamac, Alexandre Duplessis venait d'enlever sa robe. Ah, ouais, quand même. Fait que moi, ça a été mon signe. Ah, hein. Ouais. Quand il a enlevé sa robe, à mon avis, pauvre, ça a été... Pauvre Jean de Laval, c'est pas une belle séquence de mer. Hein, non, hein, tout d'un coup, on va te dire que le beau Vaillancourt, il y a de l'allure. Ben hein? Oui, franchement, il s'habille en monsieur. Il s'habille en monsieur, ah, ça, ben c'est un autre avantage. Parlant d'autres nouvelles, on parle de château, là... Évidemment, l'autre grosse nouvelle, ça a été la naissance de son Altesse, le prince George de Cambridge. Qui hein? Ça? Le prince George de Cambridge, tout le monde le connaît. C'est qui ça? George, ouais. Voyons, ben, le bébé royal! Ah! Tout le monde a suivi ça, ben ouais. Vous avez décroché pour un quelqu'un. Puis? Marc Laurando est allé au shower? Non, c'est ça. Marc Laurando n'a pas pu y aller. Oh, mais il pense aller au baptême. Ah, il y a ses connexions. Ben écoute, oui. C'est une des 3 personnes qui s'intéresse encore à la monarchie, hein, ça. Ah oui, les 3 personnes. Il y a Stephen Harper, mais l'autre, c'est qui? Ben, sont deux. Ah ouais, sont deux. Hein? Enfin. Mais là, on repart à neuf. Ah ouais. Hein? Ça suffit le passé. Ouais. On arrête de regarder l'été. On regarde vers l'avant. Carpe diem par en avant. C'est ça que ça veut dire, j'imagine? Je pense que c'est ça. Ouais. On regarde. Ouais. D'ailleurs, je suis dans un très, très bon mood. Hein? Ah moi, je suis très ouvert à l'humour. J'ai comment. Ben, faut dire que je suis allé voir Hot Dog la semaine passée. Ah ouais? Il y a d'autres gens qui l'ont vu aussi. Hein? C'est. Non, moi, j'attends qu'ils sortent en VHS. Ouais. Vous allez voir ça où? Où je suis allé voir ça? Ouais. Ah, au Valentine, sur hein? Sainte-Catherine. Pas fou. Non, mais ben, on m'avait conseillé d'aller là, hein, parce qu'il paraît qu'au cinéma, c'est pas regardable. Ah non? Non, ben, moi aussi. Même chez Guzzo. Particulièrement chez Guzzo. Ah, ben, moi aussi. Non, on rit, mais je suis pas allé faire, le voir, franchement. Ah non? Ben, t'es malade. Ah. J'avais d'autres choses à faire cet été, moi. Ah, j'avais ouais, d'autres choses à faire. Comme quoi? Ben, je suis allé voir Louis Cyr. Vous êtes allé voir Louis Cyr? Puis, c'est pas pire? Ben, il s'entraîne, tu sais, je veux dire. Tu vois, abonne-toi à un gym, en gros, là, tant qu'à dépenser 15$, c'est pas... Mais là, si je comprends bien, Louis Cyr, c'est un peu l'ancêtre des douchebags, finalement, là. Ouais, il lève beaucoup de poids, c'est vrai, hein, puis pas beaucoup d'éducation. Non. Ça ressemble à ça, c'est un peu ça. Pas d'Honda Civic, quand même. Non, c'était le Forte T, à l'époque. Ah ouais, c'est ça, hein. Pimp ma Forte T. Ah ouais. Ah oui, il mettait des flammes, des affaires dans la main. Mais là, on commence pour on arrête de regarder en arrière. On commence avec l'actualité de la semaine. Oui. Et il s'en est passé des choses cette semaine. La session parlementaire à Ottawa, hein, qui a été prorogée jusqu'en octobre, ce qui va enfin permettre au gouvernement de ne pas répondre aux questions de l'opposition. C'est une nouveauté. Ça va leur donner encore plus de temps pour pas venir encore à l'émission cette année. Ça va être la fun. Ah, ça va être... Plein de changements. Ah ouais. Sinon, quoi d'autre? Ben, il y a la charte sur la laïcité de Bernard Drainville. Drainville. Comme un mix de Bernard Landry et Bernard Drainville. De Bernard Drainville qui a été très, très bien reçu, la charte. Hein, très bien reçu. Particulièrement par Bernard Drainville. Ça. Non, mais c'est une des seules personnes qui l'a bien reçu. Mais on rit, mais la charte nous fait. Non, mais il y a beaucoup de gens qui rient de la charte. Pauvre Bernard. Ah ouais. Tu sais qu'on a fini de recevoir. Ouais. Non, mais la charte nous force à nous poser des questions, nous, Québécois. Elle nous interpelle. Oui, ben, c'est bien dit, ça. Qu'est-ce qu'une valeur québécoise? Exactement. Hein? Qu'est-ce qu'une valeur québécoise? C'est une bonne question. Par exemple, une circoncision, est-ce que c'est ostentatoire? C'est des questions qu'il faut se poser. Oui, non, mais ça dépend qui, Fred. Ouais. Moi, je pense que sous la nouvelle loi, j'irai en prison. Mais personnellement. Mais non, mais dans le fond, si je comprends bien, le prépuce est une valeur québécoise. C'est ça qu'on t'en... C'est ça qu'ils nous disent. Enfin. En même temps, c'est dur à dire, on l'a pas lu. Non, c'est ça. Non. C'est ça, il en parle peut-être pas. Ça, puis le DSM-5, là, j'ai tellement hâte de plonger là-dedans. Oui, c'est ça. Mais bon, faisons attention à nos prépuces. Et la vraie nouvelle de la semaine, en tout cas, elle que moi j'ai retenue, puis qui m'a marqué, évidemment, c'est Bradley Manning. Ah c'est ça, le soldat. Qui a finalement reçu sa sentence en 35 ans de prison pour avoir livré des documents secrets à WikiLeaks. Ouais, moi, c'est pas tant ça que j'ai retenu. Non, moi, la vraie nouvelle, à mon avis, c'est que M. Bradley Manning veut devenir Mme Chelsea Manning. Ah, une femme! Oui, ben oui, il était une femme à l'intérieur. C'est pour ça qu'il pouvait pas garder de secret. Vous êtes célibataire, vous, hein? Non, pas du tout. Attendez, j'ai un téléphone ici. Ah oui, je suis célibataire. Ouais. Ah. 9h, marché Jean Talon, j'imagine. Heureusement, on commence la nouvelle saison avec deux excellents invités. Oui, tout à fait. On reçoit Philippe Schnob, un ancien journaliste de Radio-Canada qui se présente en politique. Un journaliste de Radio-Canada? Mais voyons donc, c'est bien malade. Oui, c'est une première. Une première, je pense. Très surprenant. Original, en tout cas. Oui. Sinon, on reçoit Michel Desautels, le vénérable Michel Desautels. Un autre ancien de Radio-Canada? Non. Il est encore ici. Ah. Il a déménagé le dimanche avec son... Enfin... Ouais, il y aura tout entendu. Le temps de nous en parler parce que la soirée est encore jeune. Ouais. Bon. Ça fait du bien de revenir. Ah, oui. Hein? On souhaite d'ailleurs un bon retour à Olivier Niquette. Ah, oui. C'est fin. Ben oui, vous pouvez applaudir. Applaudissez-le. Merci. Ça va être la dernière fois de l'émission. Non, mais les internets, c'est encore ben là. Oui, comme toujours, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir une photo de Georges Larac entouré de six gars en cuir avec des foufounes à l'air. Ah, moi. Il fait de la politique maintenant. Oui. Aussi, Jean-Philippe, on a décidé cette saison de faire plus de place au public. Alors, j'aimerais aujourd'hui qu'on inaugure la rubrique courrier des lecteurs. Fait que si vous avez quelque chose à nous dire, écrivez-nous, puis si vous avez rien, ben j'inventerai de quoi. Alors, on a un premier message de Petit Bill sur Twitter qui nous dit « Vivement que les bronzés cessent, vite, revenez! » Et voilà. Ben oui, avec des points d'exclamation. Son vœu est exaucé. Hein? On l'avait dit. Ben oui, non, mais en même temps, je sais pas. Ça a dû tomber entre deux chaises, ce dossier-là, des bronzés. Je peux pas croire que c'est en onde. Avez-vous écouté ça pour... Enfin. Gros été d'actualité. Ouais. Tellement qu'on n'a pas pu parler de la tragédie de Lac Mégantic. Ouais. Il paraît que le train a appelé... Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben bien, mais oui, bien Jean-Sébastien. Il peut bien aller se faire voir, le petit Bill, si tu veux mon avis. Ben oui, bon, allez, qu'est-ce que vous faites en onde, là, déjà? Ben écoutez, vous le savez, hein, depuis que la première chaîne a changé de nom, la direction exige maintenant que les animateurs répètent trois fois notre nouvelle identification à toutes les heures, c'est-à-dire ici, Radio-Canada Première. Ouais. On trouve ça, évidemment, ben gossant. Je me suis dit qu'on n'allait pas se fendre la face avec ça, nous, ici, à la soirée est encore jeune. On allait se débarrasser de ça dès le début. Uh-huh. Et comme nous, on fait tout mieux que les autres, ça, c'est vrai. On vient de mettre la main sur le petit comédien que vous entendez 233 fois par jour pour nous dire quelle station on est en train d'écouter, hein, parce que la direction avait peur que ça ne nous rentre pas dans la tête. Alors, bonjour, petit comédien. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez un nom? Oui, je m'appelle Jean-Philippe Paris-Guérard. Ah, le beau nom. C'est bien cute! Un beau nom de Y. Alors, pouvez-vous nous débarrasser de ça tout de suite? Débarrassez-nous de ça, ça va être fait. Alors, allez-y trois fois. Vous écoutez ici Radio-Canada, première. Bon. Vous écoutez ici Radio-Canada, première. Deux. Vous écoutez ici Radio-Canada, première. Trois. Bon! Bonne affaire de faire. Fini! On l'entendra plus pendant l'émission. Maintenant, Jean-Philippe, vous pouvez vous concentrer oui. uniquement sur vos invités. Bon. Oui, c'est qui d'ailleurs vos invités c'est, aujourd'hui, Jean-Philippe? Michel Desautels et Philippe Schnob. Non, sans joke. C'est vrai, Jean-Sébastien. Ah ouais, mais ben, on est ça en ordre ou on fait un autre pilote? Jean-Sébastien! Ben non, mais je veux dire, on aurait peut-être dû faire comme Marie-France Bazot puis commencer une semaine plus tard. Ben non, non, on était prêts, là. Jean-Sébastien, c'est assez, là. OK, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Ah, merci Bye. Beaucoup, à plus tard. Ouais, hey, Seigneur. Oui, Michel Desautels puis Philippe Schnob. Je trouve que c'est une joke, ça. Vous êtes en onde, Jean-Sébastien. Ah, bateau, je suis désolé. Ben oui. Hey, vraiment. Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Je suis pas si désolé que ça. Prêt, Jean-Sébastien. Ben voyons donc, je suis tellement désolé. Coupez-le. OK, ferme son micro pour vrai. Merci. Premier invité. Après plusieurs années à nous accompagner au retour à la maison, il nous résumera la semaine d'actualité à l'heure du brunch le dimanche. Voici M. Michel Desautels! Bon! Ben, on est un peu entassé ici, hein? M. Desautels. Bonjour. C'est vrai que c'est intime, hein? Ben, c'est ça, c'est ça. Ils c'est sont littéralement sur vos genoux et pas seulement sur les genoux de Fred. Mais, comptez-vous chanceux, on a reculé les chaises tantôt. Oui, parce qu'il était, placé, là, on aurait pu... Hey, vous avez des belles chaussures rouges. Oui, papales. Oui, comme le pape. Exactement. Oui, mais moi, c'est ma taille. Le pape, oui. Le pape, c'est du 7 et running shoe. Moi, ah, oui, c'est rouge. Ah, c'est du beau, par exemple. Escarpin. Et c'est du Suède, hein? Oui, c'est du vrai Suède. Ah, OK, parfait. Bon. Monsieur... En fait, ça, oui. ce sont de vieilles chaussures de Marie-France Bazot dont j'ai coupé les talons. Ben, ça vous fait vraiment bien. Alors, moi, je propose une bière tout de suite. Est-ce que vous voulez une bière? C'est du sans gluten, par contre. Sans gluten? Y a-tu de l'alcool, quand même? Oui, oui, oui. Ah, cool. Oui. Non, non, non. Parfait. C'est pour les handicapés du gluten. Mais c'est bon pour tout le monde. Vous l'avez une canette, comme ça? Vous voulez un verre? Non, non, pas de verre. C'est très non, bien c'est parfait. Okay. Allez, mais fraîche, quand même. Ça se boit bien. OK, Monsieur Desautels, le... Oui. On la brasse tout le temps un petit peu. Pour non, ouais, ben en fait, c'est pas haut, c'est vraiment sympa. Ben, c'est Jean-Philippe Cipriani qui fait ça. Il la brasse une, puis il y a quelqu'un qui tombe dessus. Mais est-ce qu'il a encore fait ça? Parce que ça a explosé dans le visage de M. Desautels. Là. C'est très désagréable. Ben moi, je trouve que c'est une mauvaise blague. Mais ben bon. Regarde, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Mais ça va être tellement joli. Bougez pas, je vais faire la même chose. Bon. Oui, mais ça va s'attirer dans ma direction. Ouais. Je pouvais pas savoir que ça allait partir là. Quelque chose. Je me sens un peu mal. Santé. Santé, hein? Je me sens... Oui, bon, OK. Ben, regarde, on va se verser ça dessus. On n'est pas... ça goûte bon. Oui, on n'est pas Espace okay. Musique, hein? Non, ben, c'est... Mais non, monsieur, non. D'ailleurs, c'est le studio d'Espace Musique. Ça va sentir le Robin on demain. On est à... Alors... Ici Radio-Canada, première. Oui, c'est voilà. La première qu'on boit cet après-midi. Ben, parlez pour vous. Alors, Michel Desautels, le dimanche, en fait, Desautels, le dimanche. Oui. Vous déménagez le dimanche. Ben, merci de prendre du temps pour venir nous voir. En même temps, vous avez juste 2 heures à faire par semaine. Donc, oui, j'imagine puis ça me permet de faire un peu de repérage dans Radio-Canada, parce oui. qu'on oublie vite. Hein? Ben oui, non, mais c'est vrai qu'on oublie. Ben, un été, puis bang, hein, nous, c'est... Oui, puis imaginez 6 mois. J'ai failli jamais revenir, moi. Mais justement, oui. Vous avez décidé de laisser le retour à Michel COG. Hein? En fait, je n'ai pas laissé à Michel C. C'est des patrons qui l'ont choisi. Moi, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Ben, c'est drôle. C'est la question que j'allais vous poser. Vous... Parce que, non, mais il commence. Il commence. Je l'ai écouté cette semaine, Michel. Il n'est pas pire, ouais. Mais il n'a pas encore votre voix. Mais c'est ça, j'ai peur qu'il ne l'ait jamais, votre voix. Moi, j'espérais qu'il change son nom. Parce pour que Michel hôtels. C. Ouais. Alors, moi, c'est Michel D. Il ouais. me semble qu'après moi, il y a E, un F. Ben oui, c'est ça. Mais c'est un E. Mais... Inquiétez-vous pas, c'est un E. Il n'y a pas de doute là. Toujours est-il que vous avez pris 6 mois d'absence. Ça fait 6 mois d'absence à la première chaîne, ce qui est rare. On n'avait jamais entendu ça depuis très longtemps. Pas de Michel Desautels pendant 6 mois. Oui, pendant très longtemps, effectivement. Oui, oui. Oui, très, très, très longtemps. Très, très longtemps. Oui, non, mais je ne veux pas dire que ça fait longtemps que vous êtes là. Non, non, mais j'ai des absences, mais jamais si longues que ça. C'est ça, exactement. Oui, oui, exactement. Et maintenant, vous êtes de retour. Vous avez fait une courte apparition en mai pour annoncer que vous ne reveniez pas pour le retour. Oui. Est-ce que vous avez pensé... Oui. Je suis un peu... vous êtes trop jeune pour ça, mais... Oui, très. Dans une autre époque, il y avait un chanteur populaire qui s'appelait Georges Guettari. Ah, ben Fred connaît peut-être. Ah ben oui, non, mais Georges... Je l'ai vu en spectacle, sa tournée d'adieu, ben oui. Mais laquelle, justement? Georges a annoncé des tournées d'adieu pendant 25 ans. Les cyniques faisaient des blagues là-dessus. Et j'ai déjà chanté sur les genoux de Georges Guettari à Music Hall. Mon Dieu. Animé à l'époque par Michel Tisser, une chanson qui s'intitulait « Papa aime maman ». qui était son grand succès de 1957, je crois, ou 58. J'étais très mignon en petit short sur les genoux de Georges. Aviez-vous des chaussures comme celles d'aujourd'hui? Ben non, mais j'avais des grands bas golf qui montaient jusque-là. Mais ça, c'est beau, ça. Et heureusement, il n'y a plus de documents vidéo de ça, parce qu'à l'époque, la vidéo n'existait même pas, si vous dire à quel point c'est... Mon Dieu, c'est pas jeune, hein? Mais bref, je tiens ça de lui. J'annonce, j'ai vu son succès, donc j'ai annoncé mon départ longtemps. J'étais là pendant 2 mois, on m'a célébré comme si j'étais mort. Ça, c'est la beauté. Quand t'es malade et que tu reviens, c'est comme si t'étais mort, mais t'es pas obligé de passer par là. Non, c'est ça. C'est bien le fun, ça, par exemple. C'est agréable. Ben oui. Puis après ça, on peut revenir tout de suite en onde sans même être disparu, dans le fond. Exactement. Ben oui, c'est bien fâchant. Mais là, dans cette émission-là de 2 heures que vous allez animer le dimanche, vous rentrez dans un tout nouvel horaire. Vous laissez le retour qui vous a habité pendant quand même longtemps. Oui, ben... avec quelques petites pauses très brèves, des infidélités à la première chaîne ou à TV5, mais à part ça, TV5, de 81 à là, j'étais en onde tous les jours des fins d'après-midi. Ouais. Bien là, vous allez avoir tous vos fins d'après-midi. J'imagine que votre score au golf va s'améliorer. Il me reste 50 ans pour apprendre à jouer. Ah oui, vous êtes... mais non, vous êtes très bon au golf. Non, je ne suis pas encore très bon, mais je travaille là-dessus. Ah ben oui. Je suis un de ceux qui dépense bien son argent quand il va au golf. C'est les gars qui jouent 72, et finalement, ils s'amusent pas, alors que moi, à 120, 130, j'en frappe des balles. Ah, ben oui, ça vaut la peine. Ben oui. Oui, c'est ça, c'est le fun. À Des Hôtels le dimanche, parce qu'il faut parler de votre émission, parce que là, les gens qui étaient habitués d'écouter Des Hôtels au retour sont poignés pour se lever le dimanche à 10h et vous écouter. On va entendre quoi, Des Hôtels? Mais votre auditoire est très jeune. Si vous dites qu'ils sont poignés pour se lever, c'est parce qu'ils viennent de rentrer, c'est ça, d'habitude, les gens? Bien, souvent, les jeunes sortent. Ah, OK. Oui. Mais en tout cas, là, ils pourront dire à leurs parents, vous direz à vos parents que, avec le deuxième cappuccino, parce que tout le monde a une machine. Ben oui, qui boit du Tim Hortons de nos jours? Fini, ça. Franchement. Et donc, avec le deuxième, ils pourront écouter l'émission à 10h et midi, qui va, oui, encore accueillir des grands sujets, en fait, des sujets internationaux, des sujets nationaux, parce qu'on fait des choix. Okay. On n'a que 2 heures. Alors, on fait des choix, puis on essaie de ne pas être redondant, de ne pas raconter la même histoire qu'on a déjà répétée toute la semaine. Mais c'est ça, en fait. Comment on fait pour couvrir l'actualité, mais d'une autre façon? Je vois que vous travaillez encore avec Akli à l'étape d'Ala. Qu'on a entendu presque pas sur nos ondes cette semaine. Non, mais non, c'est ça qui est fâchant. Mais non. Et qui, en ce moment, d'ailleurs, doit être dans un avion parce qu'il rentre demain, en début de soirée. Il sera avec nous dimanche. Donc, il est en studio? Il va être en studio dimanche avec nous pour nous présenter un reportage qui est déjà prêt. Là. Okay. Je l'ai reçu tout à l'heure. C'est bon. Mais là, plutôt que de faire ce qu'il a fait tout le temps, il va nous faire un portrait qui va essayer d'illustrer la fracture de la société égyptienne. Parce qu'en ce moment, oui, il y a l'armée qui tape sur les islamistes, c'est une chose, sur les frères musulmans, mais les gens, les citoyens qui sont ni soldats, donc ni riches, ni à la mosquée en train de prêcher, ils sont pris pareil, ils sont divisés. Alors, c'est ce qu'il va essayer de nous faire comprendre dans son Donc, portrait. Ça va être une émission utile. Non, parce que je regarde la programmation, je me dis, mon Dieu, il y en a quasiment plus. Hein. Ben, il n'y aura pas de recette. C'est aussi une des rares émissions qui ne soit pas culinaire à Radio-Canada. Oui, c'est ça. Elle n'est même pas alimentaire, compte tenu de ma diminution salariale. C'est plate, mais tant qu'à faire de l'international, là, parlez-nous un peu de nourriture de là-bas, ça serait bien niaiseux de perdre ça. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, rendu là, tu sais, on parle d'Égypte, parlons un peu. Mais on va parler d'ici aussi, puis on va parler de plein de choses. Je suis allé faire un tour de la beauté d'avoir une émission hebdomadaire. Je suis allé faire un tour à Lac-Mégantic hier. Ah, d'accord. Avant, quand j'allais faire un tour, c'était aux toilettes pendant mon émission. C'était votre tour, ça, à l'époque. Aller. Là, je suis allé voir la mairesse de Lac-Mégantic. Donc, je me suis fait mon petit 500 km de bagnole. Mais je suis allé la voir, j'ai parlé les yeux dans les yeux. Vous avez pris le temps. Et ben, voilà. Ce que vous prenez vous Et donc, prenez c'est ce qu'on va présenter dimanche, entre autres. Ah, ben ça, c'est franchement intéressant. On verra. Ben non, mais je pense que oui. Ben franchement, Michel Des Hôtels. Avez-vous déjà entendu Michel Des Hôtels, pas intéressant, vous, frère? Non, jamais. Bon, voilà. Ouais, mais il écoutait pas beaucoup, non? Ben, non, c'est pas vrai, j'ai une bonne écoute. C'était à l'heure à laquelle il se levait, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, parlant de Fred, pour ceux qui, les chanceux qui étaient au lancement de la semaine dernière, le lancement de Radio-Canada, qui est présenté seulement devant les journalistes. Ouais. Malheureusement, c'est un très bon show que vous auriez adoré. Oui. C'est nous qui l'animions. C'était excellent. Ben, merci beaucoup, Michel. Ouais. Mon Dieu, on se lance des fleurs. Cela dit, Fred, ici, a parlé des week-ends à Radio-Canada, des week-ends sponsorisés par la FADOC. FADOC, qui est la Fédération de l'âge d'or du Québec. Bon, évidemment... Les textes ont été approuvés en passant par la direction. Oui, oui, je n'étais pas tout seul à être d'accord avec non, ça. Non, non. Moi, j'ai ri jaune, mais quand même. Et là, évidemment, on parle de l'âge des gens qui sont en onde. Oui. Hein? On a beaucoup discuté de ça parce qu'évidemment, le week-end, il y a René, il y a Joël Le Bigot, il y a Franco qui se fait plus jeune. Hein? Denise Bombardier. Denise Bombardier. Franco qui nous a avoué qu'il venait d'avoir 60 ans, le coquet. Je le sais. Ben, il va avoir ça dans les prochains jours. Le 11 septembre. C'est vrai. Ah, le 11 septembre. Mon Dieu, quelle date pour avoir un anniversaire. Oui. Mais c'est comme ça. Franco, il est fait de même. Hein. Justement, on en parle. Est-ce que vous avez songé à la retraite quand quand vous avez pris votre break, là? Ah, non, mais j'ai songé à la pré-retraite. C'est ce que je fais là. Ah, c'est ça! Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Nos bureaux sont tous très proches. Hein. Ouais, ben oui. Et tous mes collègues qui font des émissions hebdomadaires, je les appelais soit les sénateurs ou les pré-retraités. Oui. Et évidemment, ils n'ont pas tous perdu la mémoire. Et donc, je fais partie du lot maintenant. Oui, c'est ça, exactement. Okay, oui. Vous êtes un pré-retraité, mais justement, vous avez eu le choix de votre case horaire. Vous avez eu le choix de ce que vous vouliez faire, en fait. J'ai demandé, on m'a dit, mais très certainement. Mais c'est extraordinaire d'avoir un pouvoir comme ça, comme animateur. Il y en a très peu en ondes. Moi, par exemple, j'ai à peine... je voulais mettre Fred Dard, j'ai jamais été capable. Oui, mais ça va venir, votre pouvoir, avec le temps. Moi, mes vice-présidents, j'ai plus assez de mains pour les compter. Ben, c'est ça, vous en avez pas. Mes présidents, c'est encore pire. Alors, puis maintenant, je suis tellement vieux qu'ils me disent « vous, monsieur des hôtels ». Ah, c'est ça. Alors, le pouvoir vient avec le temps. T'sais, c'est comme une vache. Si tu la présentes assez souvent, elle va finir par passer aux élections. Eh bien... Vous savez ce qui est le fun? On reçoit M. Schnob tout à l'heure qui se présente aux élections. On verra où il se positionne là-dessus. Monsieur Dutel, j'espère que vous restez avec nous. Hein? Parce qu'on a de la bière, en voulez-vous, en voilà. Ben oui, j'ai la prochaine... moi aussi, j'en ai un peu partout. Merci. Ouais, c'est génial. Vous savez comme moi, les temps sont durs sur le plan économique, et pas seulement en Europe, hein, ici aussi. C'est pourquoi on a décidé de suivre un peu l'exemple d'Espace Musique. On n'est pas plus fou qu'un autre. Hein, et de présenter de la publicité. On est rendu là, nous. Et attention, hein, c'est une publicité qui est en direct. Alors, c'est la grande liquidation. On écoute. Salut, c'est Serge quelque chose et je suis présentement en direct de la grande vente de liquidation d'Options Nationales. Venez profiter du rabais du patron et accumuler des Air Miles pour Londres. Il paraît que l'ambiance est folle, un peu à l'image des résultats d'Options Nationales aux dernières élections. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais ils sont très, très enthousiastes. Il y a même des enfants qui se garochent des briques de Petit Québec. Écoutez, tout doit disparaître et si la tendance se maintient, ça ne devrait pas être trop, trop long. On a le piano de Jean-Martin Hossan à moitié prix. Il a servi que pour un spectacle, on dit qu'il n'est plus disponible. On a un lot de 8000 cartes de membres, idéal pour jouer au Ouija ou 8 ou faire des parties de poker. Que vous êtes sûr de perdre. On laisse aller également pour une bouchée de pain des belles boîtes en métal de ferveur souverainiste. Attention, c'est de seconde main. Ça a déjà appartenu au Parti québécois. Si vous venez d'ici 21h, vous aurez la chance de voir nos mascottes, deux jeunes de l'UQAM en Sciences Po, déguisés dans des costumes de Kim Lizotte et François Parenteau. La grande vente de liquidation d'Options Nationales parce qu'on sait que l'indépendance, c'est 0% d'intérêt. Oui, oui. Ah ben... Ben, c'était drôle, ça. Ben oui. Ben, boy, c'était pas vous. Non. Le changement. Alors, on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va de mieux en mieux. Oui, bon, ben, j'y vais maintenant de mon vrai sujet. J'ai décidé de commencer fort cette année en aidant quelqu'un qui en a bien besoin cet été. Je parle pas ici du talentueux Marc Hervieux, ni même de la coquette Lise Ravary, mais bien de la toute petite Mélanie Joly. Hein? Vous savez, ce petit bout de femme qui rêve de devenir mairesse. Oui, ben oui. Mais est-ce qu'elle a des chances, Jean-Sébastien? C'est ça que tout le monde se pose. Aucune. Bon. Mais elle est justement à côté de moi. Faisons attention. Allô, ma belle chouette. Bonjour, bonjour. Alors, c'est bien cute tes histoires de vouloir changer le monde, mais on va se le dire, ça va pas fort. Tu viens de faire ton seul candidat déclaré, Jean Fortier. Évidemment, on pourrait s'attrister, dire que c'est bien triste, mais il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. C'est que ta campagne pourra jamais aller plus mal que ça. C'est quand même une bonne nouvelle. Il m'a dit, en fait, là, que c'était lui, c'était pas moi. Il y avait un enjeu avec l'engagement, problème de communication. Donc, les gars. C'est ça, je me suis dit. Yeah. Je me suis dit que fallait que je trouve quelqu'un qui était prêt à s'engager et à vraiment avoir vraiment tout son cœur dans la relation. Alors, Mélanie Joly, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Ah. On va inviter les gens à nous téléphoner. On va chercher en direct, ici, un premier candidat pour Mélanie Joly. Alors, vous nous téléphonez immédiatement dans le 514-597-6000. Les appels sont gratuits pour devenir un candidat de Mélanie Joly. Alors, on attend vos appels. Le téléphone est là. 597-6000. Est-ce qu'on attend est-ce qu'on attend en onde ou Oui. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la maudite cochonnerie de Fred Savard et on vous revient dans 4 minutes avec les premiers appels. Ben merci beaucoup Jean-Sébastien. À tout de suite. Écoutez, la soirée est encore jeune avec Jean-Philippe Rautier sur Ici Radio-Canada Première, l'émission qui ne met jamais sa kippa en public, sauf une fois au chalet. Hey, c'est pas, ils aiment pas plus, hein? Non, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Non. Ben, allez-y avec vos chroniques d'un autre temps. Ouais, ben, je vais commencer tout ça cette semaine pour ma première chronique de la saison. Ah, oui? Je suis un peu rouillé. Il en reste quand même 41 d'ici juin. J'aurai amplement le temps de m'indigner le bulbe sur l'actualité. J'ai plutôt envie de faire un petit retour sur mon été extraordinaire, hein? 2 mois de pur bonheur à mes frais. Bon, à mes frais. En fait, je le dois à nos auditeurs parce que quand même eux qui financent tout ça. Hein? Nos oui. impôts font du chemin. Et, ben, deux mois de pause, ça vous requinquer le monsieur. J'ai d'abord eu la chance de visiter en juin la ville de Chicago pendant une semaine en compagnie de mon épouse et franchement ce fut pas pire mais sans plus. Ah hein? Oui, comment ça? Je veux dire que j'ai vu pas mal de cônes oranges, beaucoup de cochonneries qui traînaient dans les rues et sur 10 fois où j'ai pris le loop, là, l'espèce de train aérien, il y a eu 2 ralentissements de service. On se serait cru à Montréal, franchement. Mon là, Dieu! Puis des coupes Stanley, on en a gagné 24, ça s'énerve, vient d'en gagner une. Non, vraiment, la seule chose qu'on peut jalouser de Chicago est bien sûr son architecture et le fait qu'eux ont vraiment un festival de cinéma alors que nous avons seulement Serge Lozic. Sinon, j'ai eu la chance de visiter la ville de Lac-Mégantic à l'occasion du tournoi de golf bénéfice Solidarity. Alors, on voit ici, je suis pas le seul à donner dans le jeu de mots douteux. Vous savez que je suis de naturel optimiste, Jean-Philippe, et mon séjour là-bas m'a permis de déceler malgré tout du positif, comme le fait que pour une fois, nos caniches de droite n'ont pas accusé les syndicats et les trop nombreuses réglementations de l'État pour ce qui s'est passé à Mégantic. Mais c'est vrai que leur mutisme s'explique sûrement par le fait qu'ils étaient déjà empalés sur leur pipeline. Et ça vous coupe la parole. Sinon, j'ai distillé également plusieurs chaudes journées d'été à jouer à la balle molle dans la Ligue des médias. Une ligue qui comprend également des équipes de La Presse, Le Devoir, Le Journal des Affaires et La Presse canadienne. D'ailleurs, on joue dimanche, je viendrai nous voir, c'est très, très agréable. Il est à noter que Le Journal de Montréal refuse de jouer dans cette ligue parce que la balle molle, c'est un sport de gauchistes puisqu'il faut jouer en équipe. Et en plus... En plus, il y a un arbitre et le journal aime jamais ça, avoir quelqu'un qui les oblige à respecter les règlements. J'aimerais souligner la 3e place de mon coéquipier Olivier Niquette au championnat des frappeurs avec une tonitruante moyenne de 649. Ah, c'est un gros chiffre, hein? Ouais, mais ce qui est quand même une moins bonne moyenne que dans ses chroniques alors qu'il frappe pour au moins 100% chaque semaine. Et oui, je suis têteux. Mais les deux événements marquants de mon été sont quand même le fait que j'ai finalement arrêté de fumer et le tabac. Et la marijuana, que j'en ai quand même fumé 5 ou 6 fois depuis que Justin Trudeau a 18 ans, ce qui, quand on l'entend parler, semble être toujours le cas depuis des années. Donc, après 26 ans fumé un paquet par jour, c'est maintenant terminé pour moi, et il n'y a pas une journée depuis où je ne vais pas voir un fumeur pour lui dire combien c'est donc niaiseux de dépenser 10$ par jour pour s'acheter des petits tubes qu'on brûle et qui donnent le cancer. Mon Dieu que les gens sont stupides, hein? 26 ans. Évidemment, vous me connaissez, je suis un passionné d'excellence et je ne me suis pas arrêté à cesser de fumer, mais j'ai également commencé à faire du jogging. Oh! Difficile à croire pour quelqu'un comme moi qui a si souvent niaisé les Yves Boisvert, Marc Cassivi, Vincent Marissal, Marie-Claude Lortie et autres Stéphane Laporte du journal La Presse qui n'avaient de cesse de nous achaler avec le jogging dans leur chronique. En joguant, je peux donc ainsi devenir moi-même chroniqueur à La Presse, moi qui avais déjà les 2 autres prérequis, c'est-à-dire une excellente plume et une excellente mauvaise foi. En terminant, je m'en voudrais de ne pas remercier la direction de Radio-Canada. On en parlait tantôt, hein, qui nous a permis d'animer le lancement médiatique de Ici Radio-Canada Première la semaine dernière. Un événement qui sonna le glas de mes vacances. Vraiment, ce fut un grand succès. Et je remercie de rechef nos patrons de nous adorer autant et je veux qu'ils sachent que c'est réciproque et j'aimerais souhaiter une excellente saison à nos auditeurs et aux gens ici ce soir. Je pense qu'on va avoir du plaisir cette année. Jean-Philippe. Voilà. Merci, Fred. Ah, bravo, Fred. Non, mais bravo. C'est pas une de ses meilleures, quand même. Alors, on va aller retrouver tout... Non, c'est vrai. On va aller retrouver Jean-Sébastien immédiatement. Jean-Sébastien? Bon, bon, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, super bien, vous-même. Oui, toujours avec Mélanie Joly en direct. On attend vos appels, évidemment, pour trouver un candidat pour l'équipe de Mélanie Joly. Est-ce que ça a un nom, cette équipe-là, ma cocotte? Oui, c'est le vrai changement pour Montréal, mon chou. Ah, pas bête. Alors, vous pouvez nous appeler pour devenir candidat au 514-597. Ouais. Mais pour le moment, on n'a pas d'appel. Alors, on va profiter pour parler un peu de ta campagne, ma colombe. Alors, nous parlions de Jean Fortier, ton seul candidat déclaré, en fait. Il est parti en disant que, finalement, votre gang risquait de diviser le vote. Je veux dire, est-ce que la famille Joly est assez nombreuse pour diviser le vote, mon Jean Fortier? Non, mais tu parlais de candidat, Jean-Sébastien, tantôt. Tu attends pas de te présenter, toi? Ah, en même temps, si Philippe Schnob le fait, je pense que je peux bien le faire moi aussi, en même temps. Ben oui, je suis sûr, la direction de Radio-Canada va être d'accord avec ça. Bon, alors, une autre question, ma colombe, parce qu'on n'a toujours pas d'appel ici. Alors, parle-moi de ton programme et de tes engagements. Je t'inviterai à parler très doucement, parce qu'on a quand même un bon 10 secondes à combler ici. Là. Jean-Sébastien, tiens à rassurer nos auditeurs, te rassurer également. On a plusieurs candidats qui vont être annoncés. Et puis, sincèrement, on va parler de priorités pour Montréal, comme le système rapide par bus, l'informatisation, vraiment, les données ouvertes. On va transformer Montréal pour faire en sorte, justement, de l'amener vraiment, justement, à construire Montréal des 30 prochaines années. Bon, mais comme c'est pas super intéressant, je sais plus vraiment quoi vous poser comme question, mon lapin. Je pense que je vais rappeler le petit comédien au plus allé. Petit comédien! Oui. Bon, alors, est-ce que tu veux nous faire une identification pour remplir le temps qui me reste? Pour écouter et comprendre. Vous écoutez ici Radio-Canada, première. Ah, hey, merci infiniment. Alors, je vous reviens un tout petit peu plus tard. Vous pouvez nous appeler au 597-6000. Je vous laisse faire votre entrevue avec Philippe Schnob. Vous allez sûrement avoir beaucoup de plaisir. Non, c'est une joke. Je l'ai tellement, là. Ah. On nous l'impose, hein? On va se le dire. Là. J'espère, enfin, le mot est sorti. On nous l'impose. Fred, notre prochain invité. Ancien journaliste, il se présente maintenant sous la bannière d'équipe de Nicodère, ce qui n'est pas nécessairement une promotion. Voici monsieur Philippe Schnob! Bon, enfin, Philippe. Michel reste en avant, c'est comme chez Pénélope. Ben oui, non, c'est merveilleux. En fait, on me surnomme le Pénélope masculin. OK. Non, c'est pas vrai qu'on dit ça. Ben merci, merci d'être avec nous. Philippe Schnob, le politicien. Ben oui. Hey, je m'attendais pas à dire cinq jours. Non, mais on se connaît depuis longtemps, Philippe Schnob, parce que je suis rentré à Radio-Canada, ça a fait quasiment 2 ans. Et non, ça fait 5 ans. 4 ou 5 ans. 5 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à travailler avec lui. C'est Philippe. Moi qui lui ai tout montré. Puis on rit, mais c'est vrai. Les gens riaient pas, finalement. Mais là, je vous offre pas de bière. Ben j'ai peur, là. J'ai vu qu'il y avait. Non, mais juste l'ouvrir loin. Okay. Ou demander à Michel de l'ouvrir pour vous. Ben, il est déjà tout mouillé. Je vais l'essuyer sur les divans d'Espace Musique. Et nous écoutons pas de toute façon. Une petite puff. Hey, ça s'ouvre pas, ça prend nos bouteilles. Voulez-vous bien que. Ah non, mais nos auditeurs sont okay, très. Au bout, ah non, il y a la main solide. Prenait la pointe. Bon, il saigne en même temps, mais. C'est ça qui est tannant. Philippe Schnob, on reçoit souvent des politiciens ici. Mm-hmm. Souvent. Ils nous sortent la cassette. Notre objectif, c'est d'essayer de trouver la façon de leur faire dire des choses. On a même réussi à faire dire des choses à Pauline Marois. Oui. Et ça, on était très fiers de ça. À François Legault aussi. Denis Coderre, c'était plus difficile. Mais ça, on s'en parlera plus tard. Et on le reçoit souvent, Denis. Mais vous avez pas, vous avez j'ai pas la langue cassette. De bois. J'ai pas de cassette. Non, mais pas encore. Vous l'enregistrez peut-être tranquillement. Là. Ah ben j'ai. Mais vous dites des choses que personne n'a dites avant vous. Par exemple, je lisais sur Twitter ou sur Facebook. Okay. Par exemple, vous avez des statuts comme. Faut lire entre les lignes. Oui, c'est ça. Et on surprend toujours quand on voit des statuts comme ça, c'est plein de consonnes en même temps. Non, mais vous avez une voyelle là-dedans, c'est ça se prononce quelqu'un. Comme des chiffres et des lettres. Oui, c'est ça. Comment ça se fait, donc? Consonne. Oui, mais c'est la même chose. C'est un peu charivari. Je me dis, il se passe quelque chose. Vous n'avez pas vu le meilleur là, au début de ma campagne, le lendemain. Oui, le je pense que c'était quoi déjà? Il y en a deux de suite. Le premier, le téléphone dans ma poche écrit AS. Ça part. Az. Pas ça. Az. Ça gère. Et ensuite, l'autocorrecteur décide de s'en mêler. Ouais. Et rajoute un S. Ah, ah ben c'est un, bon. Mais c'est un mot. C'est un mot. As. Et, tout le monde connaît ça. Et là, ça se met à commenter. Ben oui, un âne. Ça se met à commenter. Et je suis à l'autre bout de la ville et je reçois un SMS d'un ami qui dit, je pense que tu devrais changer ton statut Facebook. Je dis, de quoi tu parles? Je vais voir. Là, j'ai 75 commentaires. J'ai 652 likes. Et là, je dis, je peux pas l'effacer. Ce serait de la censure. Coupable. Ce serait de la censure. Je l'ai liké. Alors, je le laisse là. J'explique que ça s'appelle un statut de poche. Oui. Puis donc, je décide de mettre un mais... J'aimais pas ça, moi, le principe de verrouiller mon téléphone. J'aime pas ça avoir à faire un code avant. Puis est-ce que vous l'avez verrouillé, là? Ben, visiblement pas, parce que cette semaine encore... En faire un autre? Ben, vous en avez fait un, là, le ben, là, c'est que, bon, je voyage beaucoup. Je me promène à vélo. Okay? Ah, ben, c'est ça, les mots. Et quand je m'arrête au feu rouge à vélo. Notez. Vous prenez votre téléphone et vous regardez. Je vérifie. Des fois, je poursuis des conversations, puis je le remets dans ma poche. Allez, c'est là que ça se met. Ben c'est les basiques, hein. C'est les basiques. Faire attention. Puis ça, c'est Ferrandez. Non, mais tout est de la faute à Ferrandez à quelque part. Oui. On pense que c'est pas lui, mais à quelque part, il est en dessous. Non, il est pas loin. Il est pas loin. Rayon. Je vois que dans le cas de Justin Trudeau, c'est la parole qui est affectée. Hein? Oui. Parce non, qu'on dit non, ça, que la fumette pour les adolescents peut provoquer la schizophrénie. Exact. Ben, regarde. Mais chez les adultes, C'est la bouche pâteuse qui appelle. Oui. Ben, voulez-vous que je vous dise? La décrimination. Ben, non, je le sais, ça n'a pas de bon sens. La décrimination. Mais un des gros avantages. Dans le cas de Philippe, c'est le pouce. C'est le pouce. Est-ce que vous fumez la Marie-Jouana? Pas de façon régulière, très, très irrégulièrement. À mon avis, c'est un oui. Ça fait un petit bout de temps. Bon, OK. Alors, honnêtement, je ne saurais même pas où aller en acheter. Oh, j'ai des places. Je me promène dans le district depuis quelques temps. Ouais, je pense que j'ai des places. Est-ce que vous présentez dans Saint-Jacques? Oui, ben oui. Il y a une couple de places, à mon avis. Vous êtes aveugle. Oui, oui. C'est ce que j'ai envie de dire à la police. Oui. Tendez la main qu'un 5$. Bon, je dis 5$, mais en même temps. Ah, des surprises. Bon, OK. Alors là, première question, évidemment. Vous avez fait le saut en politique. Pourquoi avoir décidé de vous lancer en politique, mais surtout municipale? Bien, là, ça va être le bout plat de l'entrevue. Là. Je vais vous expliquer, sans sortir la cassette. J'ai couvert le municipal pendant plusieurs années. Ouais. Et j'ai toujours eu le sentiment que si on voulait vraiment changer des choses concrètes, ouais, c'était le niveau de gouvernement où il fallait aller. Au niveau fédéral, quand on achète des avions supersoniques, on ne change pas la vie de grand monde à courte échéance. Ouais. Alors qu'au municipal, si on décide, on l'a vu sur le plateau, de changer un sens unique de côté, ben oui, de bloquer des rues, ouais, on change la vie de bien des gens. Et au municipal, on peut faire ça. Je parlais à une dame l'autre jour, elle dit « Ah, elle était essoufflée. » Elle dit « Je pouvais m'asseoir en attendant l'autobus. » J'ai dit « C'est vrai, il n'y a pas de banc aux arrêts d'autobus pour les gens qui... » C'est des petites choses comme ça qui changent vraiment la vie des gens. Et c'est ce sentiment-là de pouvoir rendre service comme ça aux gens qui m'ont vous avez raison, parce que le municipal, on le vit à tous les jours. Hein? Surtout quand on vit à Montréal, on le vit de façon très négative la plupart du temps. Oui, mais tout à fait. C'est une ville qui est sale, Montréal. Parce qu'on se rend pas compte de ce qui va bien. Hein? On a l'eau courante. C'est la ville qui nous fournit l'eau courante. Ah, mais ça, il faut la faire bouillir. Regarde, moi, je m'achète des bouteilles. Je m'en sacre, honnêtement. Mais on rit bien, mais vous vous présentez dans Saint-Jacques. Et ça me fascine parce que vous demeurez dans le plateau. Oui, à deux coins de rue de Saint-Jacques, quand même. C'est le plateau. C'est le plateau. Et on va parler de frontières. D'accord. C'est le plateau. Aviez-vous peur de Luc Ferrandez? Non, pas du tout. La raison pour laquelle j'ai décidé de venir dans Saint-Jacques, parce que, regarde, on est dans Saint-Jacques oui. ici. Oui, ben oui, ça fait 22 ans que je travaille dans Saint-Jacques, que je viens dans Saint-Jacques vous le tous les matins. Ben oui. Je m'entraîne dans Saint-Jacques, je vais à la piscine dans Saint-Jacques, je mange dans Saint-Jacques, je vais au restaurant à l'OSM, je vais au concert, au théâtre. Vous connaissez bien Saint-Jacques. Je connais pas mal plus Saint-Jacques que le plateau, où je connais entre chez nous puis l'épicerie, là, c'est à peu près ça. Ben, c'est quand même un bout important. Donc, je me suis dit, les enjeux de Saint-Jacques puis de Ville-Marie, c'est l'arrondissement de Ville-Marie, ouais, c'est le cœur économique de la ville, c'est le cœur économique du Québec, et donc c'est un endroit où les décisions, les dossiers qu'on va avoir abordés si on est élu sont fascinants. Justement, parlons d'élection, et il y a une question qui nous vient en tête immédiatement. Denis Coderre, pourquoi? Mais pourquoi M. Coderre? Ben, Denis Coderre, parce que vous l'avez rencontré. Hein? Mais en fait, voulez-vous que je vous dise, à force de le rencontrer, j'étais à ça de me lancer pour lui aussi. Oui, ouais, il est très vendeur. On a besoin de candidats aussi. Oui, mais en même temps, ça va bien ici. Non, mais ça va bien. Mais c'est fascinant de faire la politique. Justement, j'ai un problème personnel, je ne veux rien régler ici, là, mais sur Saint-Joseph, il y a de la construction. Puis, ouais. Et ça, c'est le plateau, ça, moi, c'est ça. Oui, non, je sais, mais c'est la ville aussi. Puis j'ai une question bien niaiseuse. Fait que donc, ils construisent sur Saint-Joseph. Il y avait 10 personnes. Ils ferment ça pendant 2 semaines. Tout à fait. Et donc, j'appelle à la ville. Uh-huh. Et la ville, d'ailleurs, avec le système téléphonique qui était brisé pendant ces 2 semaines, okay, pouvez-vous croire. Et la ville me dit, c'est ça, c'est Belle qui fait la construction. Mm-hmm. J'ai dit, OK, je suis d'accord. Comment ça se fait que j'ai pas eu d'avis ou quelque chose? Fil, hein? Et là, la personne me dit, Belle sont bien mauvais avec les communications. Ouais, j'ai eu ça dans ma cour. Je me lève un matin, puis il y a un trac. Je me lève un matin, puis il y a une pelle mécanique dans ma cour en train de faire un trou de 6 pieds. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites là? Puis finalement, la ville dit, on le sait pas, c'est Belle. C'est Belle, exactement. Allez-vous changer ça? Ben pour Saint-Joseph, le trou, d'ici les élections, j'espère qu'il va être rempli. Ça va être fini quand on parle de ville intelligente, notamment, ça englobe bien des choses. Mais notamment, l'amélioration des communications avec les citoyens. Moi, dans mon rêve, là, dans ce que je crois qu'on peut faire avec ça... Gardez vos rêves pour vous quand même. On dirait, par exemple, aux citoyens qui passent là ou qui restent là, que le trou devant chez eux, on leur enverrait de l'information carrément par SMS ou par courriel. Il faudrait que les gens soient inscrits. On saurait... On saurait qu'il y a un trou, on saurait qu'il est là pour 2 semaines, mais au moins on saurait qu'il n'est là que pour 2 semaines et non pas pour 6 mois. Ben, l'équipe de Nicodère, ville intelligente. C'est intéressant. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous, public, applaudissez si oui. Bon, OK. Non, les censurer. On va couper ça au montage, vous le savez. Merci beaucoup, Philippe. Bonne chance, mais là, vous restez avec nous. Tout à fait. C'est la chronique d'Olivier Niquette. Il a passé l'été à ne pas écouter la radio Jean-Bol et entendre donc 42 semaines de souffrance morale et intellectuelle. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Oh. Hey, Niquette. Oui, ben oui, afin de vous revenir en grande forme pour la nouvelle saison, j'ai pris une pause d'écoute de radio d'opinion extrême et je vous reviens avec le cerveau tout plein de vide à combler. Malgré la fermeture d'esprit estivale, j'ai entendu parler de l'histoire de Stéphane Gendron qui aurait déclaré prendre plaisir à écraser des petits minous avec son char. Oui. Une histoire dont on a même parlé aux États-Unis. Je n'ai toutefois pas beaucoup entendu parler de l'histoire de son collègue à Radio X, Martin Paquette, qui a vu deux robineux se battre pour une poignée de petits changes. Moi, je suis resté là pas loin, j'ai regardé de ça, je dis la foire va pogner, la bataille va pogner, ça va être le fun. Hein? Peut-être que les deux vont se péter à la tête sur le trottoir, qu'on va s'en débarrasser, quelque chose du genre, on va en avoir deux de moins dans la ville, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est un problème majeur. Erreur de débutant, mon Martin. Si tu veux percer à l'international comme ton collègue Gendron, faut que tu dises que t'aurais aimé ça voir deux beaux petits minous se péter à la tête sur le trottoir. Parce que les itinérants, le monde s'en fout. Mais oui. D'autre part, ça a l'air que pendant l'été, Éric Duhaime est devenu une vedette sur le plateau, comme en témoigne son collègue de Québec, Jérôme Landry. Duhaime, by the way, un jour sera maire du plateau. Tout le monde le connaît, tous les commerçants le connaissent, le salut, le... Duhaime est une star sur le plateau Mont-Royal, quasiment adulée par les commerçants de Montréal. Ah ouais! C'est-tu vrai ça, Éric? Tout le temps à Montréal par la gang du plateau, je me fais accuser d'avoir des idées de Québec, je me fais accuser de pas être un vrai Montréalais. Les bobos, là, puis les plateauistes, puis les projets Montréal, puis les Québec solidaires de ce monde me disent ça à tous les jours. Deux options. Duhaime nous ment pour exacerber la haine de ses auditeurs envers la clique du plateau ou Landry nous ment pour nous faire croire que Radio X pogne à Montréal. Je privilégie quand même la seconde option parce que ça me surprendrait que Jérôme Landry se soit rendu jusque sur le plateau. Avec toutes les one-way, là, c'est bien, bien compliqué. Ouais, ouais. Dans le même ordre d'idées, à son retour de vacances, Jean Lapierre est resté longuement pris dans le trafic causé par des constructions. Une belle occasion pour lui de défendre la veuve et l'automobiliste. Zéro considération pour les automobilistes qui payent comme des chiens sales, puis qui, à la fin, là, au fond, on se fait mépriser. C'est vrai, c'est dégueulasse! Il est temps qu'on redonne la ville à ceux qui n'y habitent pas. J'ai aussi, cet été, suivi un peu l'histoire de la condamnation de Sophie Durocher du Journal de Montréal parce qu'elle aurait dit des petites menteries dans une chronique. Voyons pourtant, donc, comme l'explique Jeff Fillion, la vérité, c'est overrated. Même que ce soit vrai ou pas vrai, là, on s'en fout un peu de la vérité. C'est aux gens à la trouver, la vérité. Ben oui, il faut c'est responsabiliser vrai. Le lecteur. C'est d'ailleurs aussi ce que croit Guy Fournier, qui, dans le même journal, a écrit que Penelope McQuaid méritait de se faire pognasser par Jean-François Mercier puisqu'elle portait une jupe trop courte, sans toutefois avoir vu le pognassage en question. Quand on écrit une chronique et qu'on commente, on fait pas, c'est pas une question. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du lac Mégantic, mais ils sont pas allés au lac Mégantic. Même affaire. D'ailleurs, moi, je trouve que le Journal de Montréal, c'est un torchon abrutissant, même si je l'ai jamais lu. Terminons avec quelque chose de plus près de nous dans l'actualité, le débat sur la charte des valeurs québécoises. On pourrait croire que les radios d'opinion extrême sont pour cette charte, eux qui s'indignent du moindre accommodement raisonnable et qui voient des agendas islamistes un peu partout, mais c'est oublier à quel point ils détestent le PQ. Sylvain Bouchard de Cogeco, par exemple, lui, il voit pas qui ça peut déranger, les symboles religieux. C'est quand t'as entendu des plaintes des Québécois à propos d'un crucifix ou d'un kippa, ou même le kirpan, j'ai l'impression qu'on fait une loi là, tout azimut, puis on va tout enrayer les symboles religieux, alors que le seul problème qu'on a, c'est le voile. Ouais, moi, j'ai jamais entendu des Québécois se plaindre de ça, ben, à part Sylvain Bouchard, il y a trois mois, au plus fort du scandale du turban au soccer. Est-ce qu'on a posé la question, est-ce qu'on a même osé à la communauté sikh ou musulmane, pouvez-vous être accommodant, vous autres, des fois? Jamais. Il y a personne qui les challenge, eux autres. Ce serait le temps qu'on renverse le débat un peu, là. Ah, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Et de toute façon, là, si vous voulez mon avis, ce débat-là va se régler le jour où un petit choc youde va porter une burqa. Merci, Olivier. Alors, vous savez, à la soirée est encore jeune, on s'intéresse beaucoup à ce qui se fait ailleurs à la radio. Oui. Hein, mais d'ailleurs, Olivier s'en charge beaucoup. On a donné l'année dernière, je ne sais pas si vous en rappelez, une belle place à Kevan Gosselin hein, de Radio X Jazz. Et cette saison, bon, on a décidé d'aller encore plus loin. Hein, on ouvre nos horizons. On ouvre nos horizons jusqu'à la bande AM. Oui. Hein, et d'ailleurs, on a attrapé un extrait où on parle de la loi sur le prix unique du livre hein, que prépare le PQ. On écoute. « Bonsoir, c'est Jean-Étienne E, de retour au micro de Radiovision, le 14 Strat AM. Bonsoir à la rayonnante Gladys à la console, Makate Bikala au Gladys, irremplaçable. Bonsoir au ministre de la Culture du Québec, Makakoto, un homme érudit qui illumine le Québec avec ses riches idées. Un homme qui lutte tel un Nelson Mandela bronchique pour qu'enfin on paye tous nos livres de Dany Laferrière au même prix. Oh, ironie du sort, après Piqué Souban, c'est donc un noir qui pourrait sauver la culture québécoise. Mais qu'entends-je du fond de la province? La clameur ridicule des rétrogrades qui, anti-groupés, sont en défaveur de cette loi qui n'est même pas encore adoptée. Une preuve parmi des milliers d'autres du racisme larvé qui plombe l'épanouissement collectif des gens qui ont fabriqué les belles histoires du pays d'en haut. Après, ne cherchez pas à comprendre pourquoi l'excellent nouveau disque de la compagnie créole qui chante la culture et les lettres de la toundra ne se vend pas, même s'il trône au numéro 1 du palmarès de Radio Vision. Oh bal, masque de régent du charme, faisons tomber les masques. On s'ennuyait de Jean-Étienne Heu. Ah oui. Moi, je m'ennuie énormément de Jean-Étienne Heu. On va les retrouver pour une dernière fois, je l'espère, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Mais comment allez-vous, mon bon Jean-Philippe? Oui. Oui, ben c'est ça. Toujours en attente d'un candidat pour la petite Mélanie Joly. Pas d'appel, mais quand même plusieurs courriels qui sont entrés. On pose des questions à Mélanie Joly. Alors, Mélanie, je vous lis quelques courriels qui viennent d'entrer. Alors, le tout premier nous vient de Monsieur P. Schnob de Montréal et qui va comme suit. Allô, Mélanie, à l'école, te faisais-tu choisir en dernier pour les équipes de ballon chasseur? J'étais la première. Ben, je te le promets, j'étais la première. Ah ben, on vous croit. Deuxième question qui nous vient de M. Plourde de Montréal. Pourquoi ne demandez-vous pas à votre collègue de Génération d'idées, le petit avocat, Paul Pinchot-Paillasson, de devenir également un de vos candidats? Lui, il est super connu. C'est une bonne idée, je l'appelle tout de suite. Ah oui? Aussi simple que ça, excellent. Et en terminant, une lettre qui nous vient de A. Boisclair de New York. Je dis, allô ma belle, en tant que jeune politicienne, je voudrais t'inviter à un party ben willing avec Justin Trudeau. T'es-tu game? On pourrait parler de vos lignes de parti. Ben, s'ils peuvent m'aider à trouver des candidats... OK, parfait. Jean-Sébastien, avec moi, on va y aller ensemble. Ben, on va y aller ensemble, mais là, il me reste 60 secondes, Jean-Philippe, puis je ne sais plus quoi faire. Ben, le petit comédien doit pas être loin, là. Ah, mon Dieu, ben oui, le petit comédien! Rebonjour, petit comédien! Bonjour. Alors, une petite identification en terminant? Certainement. Ceci est un message officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé, il sera environ 8h moins quart moins 10. Ah, hey! Ben, merci beaucoup à tout le monde. Merci aux petits comédiens. Merci, Mélanie Joly. Et si votre carrière prend pas un nouveau souffle après cette entrevue-là, eh ben, mon nom, c'est Cochon. Merci. Merci, hein, Mélanie. En tout cas, merci, Jean-Sébastien. Fred, notre dernier chroniqueur. Il sera à peu près partout sur les ondes ici, Radio-Canada Première, mais c'est juste ici qu'on l'écoute vraiment. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Oh! Hey, un été complet de vacances. Hey, je suis rouillé. Ben là, je comprends. Puis pour vous, en plus, hein, la saison recommence, puis bang! Le Parlement est prorogé. Oui, ils ont fermé le Parlement. Ben oui, comme en 2008, là, vous vous souvenez, quand Stéphane Dion avait essayé de prendre le pouvoir là, avec sa vidéo diabolique? Oui, oui. C'est comme dans The Grudge. Là, si on l'écoutait trop longtemps, il sortait de l'écran. Ah, il faisait un cours sur Kyoto. Bon, personne ne veut ça. Personne veut ça. Vous savez, j'ai toujours été pro-rogé. D'ailleurs, Fred aussi est très pro-rogé. Il passe la moitié de sa vie là-bas. Ah, au Roger, au bar chez Roger. Mais pro-rogé le Parlement, encore, je vous le dis, les journalistes sur la colline étaient désespérés. Vous connaissez, moi, mon sang-froid, de toute façon. J'ai réagi solennellement. Oui, j'ai fait 3-4 fois le tour de la pièce en criant, les bras dans les airs, avant de me réfugier en position fétale dans un coin du salon, en suisant mon pouce. Oui. Après, j'ai écouté un peu de Nathalie Imbruglia en tournant sur moi-même, comme si je m'envolais. La crème glacée et Francis Cabrel aussi, ça fonctionne. Mais okay. Parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, d'ici octobre? Regarder Denis Coderre faire des soupers spaghettis? Ben. Admirer l'extraordinaire économie de moyenne de nos sénateurs? Ou regarder pousser le deuxième bébé royal? Deuxième bébé royal. Voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? Je vous jure. Kate est enceinte. Ben non, pas Kate, Sophie. Ah, Sophie Grégoire? Ben oui, princesse de Justin. Arrête, elle est enceinte. Minou va avoir son petit Georges, sa petite Georgette, c'est selon. Ouais. Et Justin va pouvoir s'en occuper en 2 juin. Il va pouvoir faire quelque chose. Ben en 2 juin, on peut toujours faire quelque chose. Ben c'est ça qu'il n'a pas compris, Jean-Martin Hossan. Hein? Sors tes bébés, fais-les vivre sous l'œil de la caméra et récolte les fruits. Il n'y a pas juste Annie Boubou là, qui est payante. Ben non, je comprends donc. toujours est-il oui. que la prorogation, ça veut dire qu'il y a des projets de loi qui tombent. Hein? Celui oui. de surveiller ceux qui sont acquittés pour des questions de santé mentale. Ah, ben oui. La loi pour protéger Alec Baldwin, je pense. Ah oui. Le projet de loi contre la discrimination des transgenres, la loi Blanc-Manning. Oui, oui, oui. Et le projet de loi qui oblige les syndicats à dévoiler ce qu'ils font de leur argent, la loi Jocelyn-Dupuis, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Oui, mais, en fait. Mais au moins, la prorogation va donner du temps à notre nouvelle patronne, Shelley Glover, notre ministre du patrimoine. Shelley Glover. Glover. Ouais, comme un gamin. Du patrimoine, elle va pouvoir se familiariser avec. Ici, c'est une ancienne policière. Hein. Ah. Elle sait donc très bien comment réagir face aux gratteux de guitare, aux platoniciens du Nowhere. Et elle va être aidée par le non moins sympathique Denis Lebel, le nouveau lieutenant au Québec pour qui la tragédie de Lac Mégantic est un simple événement malheureux. Et Ed Burkhardt est probablement un citoyen corporatif modèle. Oui, bon, mais enfin, vous allez vous rabattre sur le provincial quand même. Ben, vous allez, hey, voyons. Trouvez ça mieux, vous. François Legault en autobus, Philippe Couillard au zoo. Puis où ouais. est passé le premier ministre Lisée depuis le début de l'été? Ben hein? oui! Jeff! Ben, c'est ça. Puis là, il y a la Charte de la laïcité. Là. Dans laïcité, il hey. Y a haï. Hein? Ouais. Comme ouais. les turbans, les kippas, les ouais. burkas, les croix, les hijabs. Fini le défi tête rasée, hein? Signe ostentatoire des bouddhistes. Fini Francine Grimaldi. Hein? Ah, ça, ça me fait de la peine, par exemple. Fini le Movember, parce qu'on sait que la moustache prône la religion de Perlin dans Passepartout, l'enfant roi. On en a pour des mois, Jean-Philippe, à avoir des unes du Journal de Montréal d'accommodement raisonnable les jours pairs, parce que les jours impairs, c'est les contraventions abusives. Ouais, hein? c'est vrai que c'est ça. Mais oui, vous allez avoir la course à la chefferie d'Option nationale. Ah, ça, c'est excitant. Ça, c'est bon, ça. Ça, ben oui. En perdant son chef, d'ailleurs, Option nationale a perdu le quart de ses membres. Hein. Ouais, ben oui. Et il ben, y a des candidats de prestige quand même pour remplacer Jean-Martin Hossan. On va surveiller ça. Sol Zanetti est extraordinaire, ça a l'air. Sol Zanetti. André Lamy, un ancien militant du PQ à la retraite. Je pensais qu'il était tout à Québec solidaire, mais non. Mais peut-être Mélanie Joly, moi, je la proposerais, hein, tant ouais. qu'à faire. Mais de toute façon, Hossan, on va le revoir dans une couple d'années, Jean-Philippe. Auréolé d'un, ah ouais, auréolé d'un meilleur compte en banque, d'une parenthèse professionnelle appréciable pour son CV, loin à l'étranger. Bref, il marche dans les pas d'André Boisclair. C'est très, très oh prometteur. Oh là là, ouais, que ouais. ça va être le fun. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À merci énormément. Imaginez-vous que c'est la fin de notre première émission de la saison. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est la bibliothèque de René. Et boy, ça doit pas être une bibliothèque IKEA, ça. Vous êtes en onde, Jean-Sébastien. Ah, bâtèche! Ben oui. Alors, merci à... merci à toute l'équipe. Justine Parent, Jean-Loulou Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge, le grand Alex Courteau et Marie Lambert. Et un gros, gros merci à nos invités de ce soir, Michel Desautels. On vous écoute dimanche à 10h. Desautels le dimanche. Merci d'être là. Ça, c'est gentil. Ici. À quelle chaîne? Ici. Ici, Radio-Canada. Première, voilà, ça se dit très bien. Et merci à Philippe Schnob. On vous voit pendant les élections de novembre. Bonne chance. Merci bien. Bonne chance. Et on aimerait ça vous recevoir en tant qu'élu ah ben, municipal. Okay, je note ça. Bon, bon, parfait. Vous nous ferez un petit statut Facebook là-dessus. Et réécoutez notre balado. Avec du voyelle, quand même. Vous nous réécoutez notre balado, oui, en vous rendant sur notre site web. Parlez de nous à vos amis, c'est bien important. Oui. Et venez assister à l'enregistrement de l'émission qui se fait les vendredis à 16h. Vous nous envoyez un courriel et on vous réserve une place. Ici, Jean-Philippe Radio-Canada, première. Ah oh, mon Dieu. C'est compliqué, ça. Ici Jean-Philippe Vautier, première, qui vous souhaite profiter de cette soirée qui est encore jeune.